Les évolutions de l'art, comme toutes celles de l'esprit humain, en travail d'enfantement d'une création nouvelle, sont procédées d'une germination, d'une lente incubation de la pensée qui doit s'imposer plus tard. La force de résistance que l'habitude, la routine, la paresse, souvent aussi l'intérêt, oppose aux idées nouvelles est telle que souvent, pour avoir raison de l'entêtement public, il faut sembler être de son opinion. Si la plupart... Si la plupart des maîtres célèbres des 16e, 17e, 18e et 19e siècles ont choisi de préférence pour leurs études musicales et aussi pour traduire leurs pensées, les instruments à clavier, orgue, épinette, clavecin et piano, s'ils ont enrichi nos bibliothèques d'innombrables pièces, de tous les styles, de tous les genres composés spécialement pour ces instruments, ce n'est pas, nous l'affirmons, par caprice irraisonné et par amour de la virtuosité pour faire montre d'une brillante exécution, mais parce que le clavier, par la simultanéité des sons et sa docilité à obéir à la volonté du compositeur, leur permettrait de mieux exprimer leur inspiration musicale, enrichie des harmonies qui leur révélaient l'imagination. »